Quand j'avais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup d'amis. Maintenant que c'est fini, ils m'ont tous abandonné. Quand j'avais beaucoup combo, j'avais beaucoup copines. Maintenant que c'est fini, elles m'ont tout abandonné. Chacun pour soi, ne compte pas sur ton frère, tu seras déçu. C'est ça la vie, c'est chacun pour soi, ne compte pas sur ton copse, tu seras déçu. N'est-ce pas, Philippe Divine, à Libreville? Quand les amis ont des problèmes, ils m'appellent au secours. Quand j'ai eu des problèmes, ils m'ont abandonné. La confiance a disparu. Plus de vrais amis, quand j'ai eu des problèmes, ils m'ont abandonné. Henri Pascal Olanga Wasengae, HPB. Quand les amis ont des problèmes, ils m'appellent au secours. Quand j'ai eu des problèmes, ils m'ont abandonné. La confiance a disparu. Y'a plus de vrais amis, quand j'ai eu des problèmes, ils m'ont abandonné. Ah. C'est ça la vie, c'est chacun pour soi. Ne compte pas sur ton frère, tu seras déçu. C'est ça la vie, c'est chacun pour soi. Ne compte pas sur ton copse, tu seras déçu. Jean-Yves Messin, le baron du Gabon, rapport à Jean-Luc Lendoy. C'est ça la vie, c'est chacun pour soi. Ne compte pas sur ton frère, tu seras déçu. C'est ça la vie, c'est chacun pour soi. Ne compte pas sur ton copse, tu seras déçu. Daniel Banjo, quoi que les soins.